Où c'est que t'as mis mon pétou? Je crois je l'ai mis dans ton paquet de blonde. Je m'en bats les couilles, je m'étouche, je suis pas en fumette, il faut que ça monte. Je suis au fond en orange, accélère c'est orange. Y'a les chemises, faut que je range. Fais pas de boulettes dans le range. Et je te l'avais dit, ben, ou que j'étais déter dans le son. Il t'est minique le compte de son père, un jour ou l'autre il va payer de toute façon. Que des bouteilles de Belvé, j'ai le cousin dans la LV. Ce soir je suis énervé, au dos d'André vu lever. En Momo Design, ça fait la chave en Momo Design. J'ai mis la puf dans le Momo Design. Y'avait les condés au feu rouge, j'irai qui m'ont dit papier rose. Négatif, j'ai tracé ma route, j'dois aller voir un pote à la rose. Première, deuxième, Momo Design. À coup de granit, à coup de Momo Design. N'essaie pas de mentir, j'suis un putain de profiler. Depuis que je fais ça, j'fais du sale et ouais ça, tu le sais ça. J'parle avec moi-même, mais j'cherche pas ma chérie, faut que j'reste seul. Il suffit d'une fois, tu t'affoles, tu retournes ta veste. Me dis pas que tu l'aimes, ça fait à peine deux jours qu'elle te teste. Tu bois trop de pack, toi qu'on me le dit plus de 100 fois. Elle mérite des races à ta criminelle de sang-froid. J'la connais même pas, papa, rien que blabla sur moi. Se plonge le sang, papa, gagne le machin sur toi. J'ai connu la galère, la gamberge faire les 100 pas. J'ai pas connu mon père, maman a dû faire sans toi. En Momo Design, ça fait la chave en Momo Design. J'ai mis la puce dans le Momo Design. Y'avait les condés au feu rouge, direct ils m'ont dit papier rose. Négatif.